Chapitre 7e. Il me conduisit chez M. Duportail. Lovzinski m'attendait pour achever de m'apprendre les aventures de sa vie les plus secrètes. Et de peur que le marquis de B ou quelque autre importun ne vînt encore nous interrompre, il ordonna qu'on refusât la porte à tout le monde. Dès que nous eûmes dîné, il continua le récit de ses infortunes. Ce récit avait été interrompu au moment où la tour, prison de Lodoïska, était en flammes. Par bonheur, des Tartares étaient arrivés, s'étaient emparés du château de Dourlinski et avaient délivré les deux amants. Le père de Lodoïska, qui accourait au secours de sa fille, avait d'abord été fait prisonnier par les Tartares, mais, bientôt mis en liberté, il s'était réconcilié avec Lobzinski et lui avait accordé la main de celle qu'il aimait. Mais les deux amants n'étaient pas arrivés au terme de leur malheur. Pendant 8 années, Pulowski soutint une guerre acharnée contre les Russes. Lovzinski et Lodoïska ne le quittaient pas, et la jeune femme accompagnait son père et son époux dans leurs périlleuses entreprises. Un jour, après un combat opiniâtre, les Russes se précipitèrent dans la tente de Lovzinski. Lodoïska faillit être tué, mais ce qu'il y eut de plus désespérant, ce fut l'enlèvement de sa fille Dorliska, alors âgée de 18 mois. Qu'était devenue cette enfant? Vivait-elle encore? Gémissait-elle dans l'esclavage? Il y avait de cela 15 années. En vain, Lovzinski avait fouillé toute l'Europe. Il avait vu périr la Pologne écrasée, Pulowski était mort, la malheureuse Lodoïska avait succombé. Lovzinski, désespéré, était allé combattre pour l'indépendance des États-Unis. Puis, de retour en France, il s'était intimement lié avec le baron de Faublas. Il avait pris le nom de Duportail, et il n'attendait plus qu'un hasard, hélas invraisemblable, le bonheur de retrouver sa fille, sa chère Dorliska, qu'il pleurait toujours. Lovzinski resta comme abîmé dans ses réflexions douloureuses. Enfin, il me dit qu'il avait mis en moi ses plus chères espérances, que le dessein de mon père était de me faire voyager l'année prochaine. J'interrompis M. Duportail pour l'assurer que je passerai quelques mois en Pologne et que je ne négligerai rien pour me procurer quelques lumières sur le sort de Dorliska. Il était tard, je quittais M. Duportail. Cependant, mon premier soin, en rentrant à l'hôtel, fut d'appeler M. Persson. Il accepta avec reconnaissance la bague que j'avais achetée le matin, et sans se faire beaucoup presser, il m'avoua que la veille, il avait instruit Adélaïde de l'étrange visite que Madame de B m'avait rendue chez moi. « J'avais remarqué ce joli cavalier, me dit-il, et vous devez vous souvenir que je me trouvais sur l'escalier quand M. Duportail nomma la marquise de B. Je priai M. Persson d'être à l'avenir plus réservé. Il me quitta, en me renouvelant les assurances de son désintéressement et de sa discrétion. » Rosenberg avait donc raison, Sophie m'aimait. Une indiscrétion de M. Persson avait fait tout le mal. Sophie jalouse, mais comment l'apaiser? Comment dissiper ses larmes? Comment la voir? J'aurais pu me dispenser de me mettre au lit. L'inquiétude chassa le sommeil. Toute la nuit, je m'occupais de mes peines, des peines de Sophie. Il faut avouer cependant que je songeais quelquefois au vicomte de Florville. Mais la marquise était si malheureuse. Les moments que je donnais à son souvenir furent si courts. Les idées qu'il me fit naître furent si différentes. On serait bien sévère si l'on ne m'excusait pas. Je ne savais encore quel parti prendre quand le jour parut. Mon conseiller arriva enfin pour me déterminer. « Mais ce Persson a fait la faute, » me dit Rosenberg, « c'est à lui de la réparer. Faites une lettre pour Mademoiselle de Pontis. Que le cher gouverneur s'en charge et la remette à Mademoiselle de Faublas, qui ne manquera pas de la porter à son adresse. » J'écrivis. M. Persson, devenu le plus complaisant des hommes, accepta sans difficulté la commission délicate que je confiais à son zèle. Il la fit assez promptement. Il m'apporta une réponse de ma jolie cousine. Elle était courte, elle fut bientôt lue. Rosenberg, sautez de joie, baisez ces deux lignes, écoutez. Vous dites que vous n'aimez pas la marquise. Ah, si je pouvais en être sûr. Dans l'excès de ma joie, je sautai au cou de M. Persson. « Vous êtes content de cette réponse ?» me dit-il. « Eh bien, j'ai encore une nouvelle plus heureuse à vous apprendre. »« Dites, mon cher gouverneur, dites vite. »« Monsieur, mademoiselle votre sœur m'a d'abord demandé de vos nouvelles avec beaucoup d'intérêt. Elle a rougi quand je l'ai priée de remettre votre lettre à mademoiselle de Pontis. »« Monsieur Persson, vous direz à mon frère que depuis hier, Sophie, désolée, m'a tout conté. Vous lui direz que maintenant je connais mieux que lui la maladie de sa cousine et même, que j'ai lu la recette en question. Je ne suis plus étonné que le baron se soit fâché. Monsieur, attendez un moment, je vais porter la lettre. C'est peut-être pousser la complaisance bien loin, mais mon frère se chagrine, ma bonne amie souffre. Je n'examine que cela. » Elle est revenue quelques moments après avec ce billet. En me le donnant, elle m'a demandé, d'un air embarrassé, si l'on ne vous verrait pas. Je lui objectais l'expresse défense du baron. Elle m'a observé, en rougissant beaucoup, que Madame Munich se levait rarement avant 10 heures, que le baron ne se levait jamais plus tôt, et qu'enfin la porte du couvent s'ouvrait à 8 heures précises. « Eh bien, mademoiselle, lui ai-je dit, demain matin, monsieur votre frère... » Elle m'a interrompu. « Oui, demain matin, qu'il n'y manque pas. » Que la journée s'écoula lentement, quelle mortelle nuit la suivit. 100 fois je fus tenté d'avancer mes montres. Enfin, j'entendis sonner l'heure tant désirée. Je volai au couvent. Adélaïde vint au parloir. Sophie l'accompagnait. « Ah, ma sœur, ah, mademoiselle !» Je joignis leurs jolies mains, que je baisai tour à tour. Sophie, trop émue, fut obligée de s'asseoir. « Vous nous avez donné bien du chagrin, » me dit-elle. Et je vis ses yeux se remplir de larmes. Comment exprimer la douceur de celle que je versais ?« Vous souffrez, » me dit Adélaïde. « Non, ma sœur, jamais un moment plus heureux. Mais ce que vous passez avec la marquise ?» interrompit Sophie en tremblant. « Ma jolie cousine, ma chère Sophie, croyez-vous que je puisse l'aimer ?» « Pourquoi donc la voyez-vous si souvent ?»« Je ne la verrai plus. Je vous promets que je ne la verrai plus. »« Ah, si vous me trompez !»« Pourquoi donc te tromperait-il, ma bonne amie ? Puisqu'il t'aime, il est clair qu'il ne peut aimer cette madame de B. »« Adélaïde, tu ne sais donc pas ?»« Si fait. Je sais ce que c'est que la jalousie. Tu me l'as dit hier. Mais c'est un sentiment qui fait du mal et qui n'est pas raisonnable. Pourquoi, mon frère, te dirait-il qu'il t'aime s'il ne t'aimait pas ?» Et pourquoi le dit-il à la marquise ? Sophie, je vous jure que je vous adorais le premier jour que je vous vis. Vous seule m'avez fait éprouver ce sentiment tendre et respectueux qu'inspire l'innocence et la beauté, cet amour véritable dont il faut brûler pour Sophie. C'est vous seule qui m'avez fait sentir que j'avais un cœur, et je n'aimerais jamais que vous. Si vous saviez combien j'ai de plaisir à vous croire. Sophie se pencha sur le sein d'Adélaïde, qu'elle embrassa. « Comme ton frère te ressemble, » lui dit-elle, « il a tes yeux, ton teint, ta bouche, ton front. » Elle l'embrassa une seconde fois. « En vérité, » répondit Adélaïde, d'un petit ton boudeur, « autrefois vous m'aimiez pour moi. Maintenant je crois que vous ne m'aimez plus qu'à cause de lui. Voilà donc ce qu'on appelle de l'amour. J'avoue que si je le trouvais triste hier, il me paraît aujourd'hui bien séduisant. Mon frère, quand est-ce que vous épouserez ma bonne amie ? « Le baron prétend que je suis trop jeune, mais si mademoiselle le permet. »« Pourquoi donc m'appelez-vous mademoiselle ? Ne suis-je plus votre jolie cousine ?»« Ah, jolie, plus jolie que jamais, plus que jolie. Si vous le permettez, j'irai parler à monsieur de Pontis. Je lui dirai que j'adore sa fille, que sa fille m'a choisie. Je lui dirai qu'il me donne ma femme, qu'il m'unisse à Sophie. »« Mon père n'est point à Paris, des affaires de famille. Je vous conterai cela, mais il faut que je vous quitte. » « Quoi, déjà ? Oui, il faut que je rentre avant que Madame Munich se réveille. Demain, j'aurai donc du bonheur, demain, tous les jours. »« Non, cela ne se peut pas, » répétait Adélaïde, « on s'en apercevrait. Mon frère, une fois par semaine. »« Oh, mais, » répliqua Sophie, « tu sais bien comme Madame Munich dort quand elle a bu, et elle boit souvent. »« Quoi, ma jolie cousine, votre gouvernante, aime le vin et les liqueurs fortes, c'est une Allemande. » « Eh bien, en ce cas, je puis venir ici. »« Dans 3 ou 4 jours, » interrompit encore ma sœur. « Plus souvent, ce serait nous exposer. » Sophie soupira. « Hélas, oui, » dit-elle, « si l'on allait nous séparer. »« Adieu, mon cher cousin. » Elle s'éloignait, elle revint. « Ah, je vous prie, n'allez pas chez la marquise. »« N'y allez pas, mon frère, » me dit aussi Adélaïde. « N'y allez pas, entendez-vous ? Et si elle vient chez vous, renvoyez-la. » Lecteur septuagénaire et goûteux, c'est à vous que je m'adresse. La vieillesse et ses infirmités n'ont pas toujours roidi vos jambes et glacé vos cœurs. Il fut un temps où vous eûtes aussi vos rendez-vous. Alors vous partiez plus léger, plus prompt que les vents, et vous reveniez de même. Vous ne l'avez pas oublié sans doute, et par conséquent, vous jugez que mon père dormait encore quand je rentrais chez moi. Je ne m'occupais le reste de la journée que de mon bonheur. La nuit suivante fut aussi courte que la dernière m'avait paru longue. Les songes les plus doux embellirent mon paisible sommeil. Ils me montrèrent ma Sophie, et ce qu'on croira difficilement peut-être, ils ne me montrèrent qu'elle. Il était près de midi quand je sonnai Jasmin. « Tu ne m'as pas rendu réponse hier. Comment se porte Madame de B ?»« Hier, monsieur, vous ne m'avez pas dit d'y aller. »« Comment, Jasmin, vous n'y avez pas été? Vous savez qu'elle est malade. Courez-y donc vite. » Envoyé chez la marquise, ce n'était pas y aller. Ce n'était pas manquer de parole à Sophie. D'ailleurs, il y a des devoirs de société qu'un galant homme ne peut se dispenser de remplir. Jasmin revint une heure après. « Monsieur, Mademoiselle Justine m'a dit que madame était plus mal et qu'on craignait que la fièvre ne se réglât. » « On craint que la fièvre ne se règle, mais cela est donc sérieux ?»« Oui, monsieur. Mademoiselle Justine m'a dit tout bas de vous avertir de sa part que monsieur le marquis était parti ce matin pour Versailles, où il doit rester 3 jours. »« C'est bon, Jasmin, allez. » »« La fièvre va se régler. Pauvre vicomte de Florville. » »« Ce sont les propos du baron. » C'est mon ingratitude, car au fond, elle a à se plaindre de moi. Je l'ai trompée. Je n'avais qu'à lui dire que j'en aimais une autre. Elle va plus mal. Et si le danger devenait encore plus grand, si la marquise, à la fleur de son âge, périssait consumée d'une maladie lente, j'aurais éternellement sa mort à me reprocher. Cette idée est insupportable. Oh, ma Sophie, tu m'es bien chère, mais faut-il, à cause de toi, laisser la marquise mourir de chagrin? J'appelai Jasmin. « Retourne à Justine. Demande-lui si, dans l'absence du marquis, je ne pourrais pas voir Madame de B, la calmer, la consoler un peu. Jasmin, si cela se peut, tu t'informeras de l'heure, de la porte par laquelle je dois entrer. Enfin, tu arrangeras cela avec Justine. »« Oui, monsieur. Va vite. » Il ne tarda pas à revenir. Justine lui avait dit qu'elle ne croyait pas que Madame fût en état de recevoir personne. Qu'elle ne savait pas si madame serait bien aise de la visite de monsieur le chevalier, que cependant, il n'y avait qu'une scène à risquer. Je savais le chemin. Ce soir, sur les 9 heures, je n'avais qu'à me glisser par la porte cochère, gagner promptement l'escalier dérobé, ouvrir la porte du boudoir avec la clé qu'elle donnait. Au reste, si madame se fâchait, Justine ne prenait rien sur elle, et ce serait mon affaire.